la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le cuivre est présent dans la vie des hommes depuis des millénaires. Son alliage à l'étain ou à d'autres éléments a marqué, en donnant le bronze, le début d'une des plus grandes révolutions technologiques de l'histoire humaine. Travaillé depuis toujours pour fabriquer armes, bijoux, instruments de musique, ustensiles et outils de la vie quotidienne, le cuivre, grâce à sa grande conductivité, a porté la révolution électrique depuis la fin du XIXe siècle. Enjeu économique majeur au XXe siècle, le contrôle de la production et du marché du métal rouge a parfois lourdement pesé dans le déclenchement de guerres et de coups d'État, comme au Congo et au Chili. Toujours essentiel aujourd'hui à de très nombreuses applications et productions industrielles, le cuivre était en 1980 le sujet du 7e volet de la série que consacrait la Communauté des radios publiques de langue française à quelques-unes des matières premières qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Communauté des radios publiques de langue française, l'épopée des matières premières, le cuivre, 7e des 10 épisodes, diffusé la première fois le 26 août 1980 sur France Culture. Communauté radiophonique des programmes de langue française, l'épopée des matières premières. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Montage, Micheline Noël. Aujourd'hui, le cuivre. Les plus anciens vestiges de cuivre connus ne sont pas forcément les premiers en date, mais on trouve des objets de cuivre martelés dans des vestiges chaldéens qui remontent à 4500 ans avant Jésus-Christ et dans les tombes badariennes du Fayoum qui, d'après Petri, sont encore plus anciennes. Lucrèce attribue la découverte des métaux à une conflagration telle qu'elle fit fondre les métaux et les fit exsuder hors des rochers. En recherchant de l'or, l'homme préhistorique découvrit d'autres gros morceaux d'une pierre noire qui, lorsqu'on la martelait, ressemblait à l'or. C'était du cuivre, lui aussi à l'état brut ou natif. Ces nodules de cuivre natif étaient d'une couleur vert-pourpre ou d'un noir verdâtre. Une fois gratté ou frotté contre les plus dures pierres de la rivière, ce métal devenait d'un rouge jaunâtre. Si on le martelait, il gagnait beaucoup et prenait un tel aspect qu'on pouvait l'employer comme l'or pour en faire des colliers et des bracelets. Dans les anciennes tombes d'Égypte, avant la dynastie des pharaons, on a trouvé des grains de cuivre natifs enfilés avec des grains d'or et des pierres précieuses comme les cornalines. Il y avait aussi des bagues et des bracelets de cuivre tout faits de minces lames de métal bien martelées. Henri Cabot et d'autres anciens explorateurs des côtes nord de l'Amérique trouvèrent les indigènes en possession de grandes quantités de cuivre qu'ils portaient en grains pendus à leurs oreilles. Arthur Barlow, dans son récit du premier voyage d'un Anglais en Virginie, en 1584, nous dit que les femmes indiennes du plus haut rang suspendaient à leurs oreilles des pendants de cuivre et que les enfants du frère du roi, ainsi que d'autres nobles, en portaient 5 ou 6 à chaque oreille. Les Indiens sur le fleuve Blanc, en Alaska, déterraient les pépites de cuivre sous les graviers d'alluvion à l'aide de cornes de caribou. Avant 1891, ce cuivre natif leur servait de monnaie d'échange. Ils en faisaient des têtes de flèches, des couteaux, des ustensiles de cuisine et aussi des balles quand on ne pouvait pas trouver de plomb. on a découvert dans cette région une masse de 3 tonnes de cuivre. Il existait généralement sous forme de pépites qui pesaient de 5 à 6 livres. C'était le seul métal dont ces Indiens fissent usage. Les indigènes de l'Amérique du Nord, avant l'arrivée des Européens, trouvaient généralement leur cuivre en blocs détachés, gisant sur le sol, et ils ne le tirèrent du sous-sol que beaucoup plus tard. Beaucoup de ce cuivre trouvé sous forme détritique avait été apporté par la glace et, postérieurement, déposé au sud jusqu'au fleuve Ohio. Il provenait sans doute de l'érosion des filons de cuivre de la région du lac supérieur. L'âge des métaux commença seulement le jour où l'homme comprit qu'il pouvait façonner les métaux à l'aide du feu. Jusque-là, il traitait ces morceaux d'or, d'argent et de cuivre natif comme une pierre pas très dure, et il leur donnait une forme avec son marteau de pierre, mais non point en le fondant dans des moules. Il restait cependant encore un grand pas à faire pour aller de la fonte du métal natif au traitement du minerai. La découverte, quand elle se produisit, fut le résultat d'un hasard, comme la plupart des progrès effectués par l'homme primitif. On s'est demandé à plusieurs reprises comment la chose s'était produite. Certaines personnes ont supposé que la première fonte du cuivre a été causée par l'inflammation d'un suettement de pétrole qui va en contact avec un affleurement de minerai de cuivre dans la région du Caucase. Elliot Smith, quant à lui, l'attribue à une Égyptienne qui fit tomber par mégarde un morceau de pâte à la malachite, un cosmétique, dans un feu de charbon de bois. Norman Holt imagine qu'un homme primitif laissa échapper son couteau de pierre dans un feu de camp et, en s'efforçant de rattraper cet outil précieux, remarqua une pierre d'un jaune vermeil qui brille parmi les cendres, substance ressemblant au cuivre qu'il avait trouvé longtemps auparavant sur le bord d'un ruisseau. Il est plus que probable que l'art de la métallurgie est né à côté d'un feu de camp. C'était là que l'homme primitif employait le plus souvent la chaleur. Il entourait son foyer de pierres. Peut-être, dans une région riche en cuivre, une ou deux de ces pierres pouvaient-elles contenir du cuivre sous forme d'oxyde ou de carbonate. Et la chaleur dégagée par le charbon de bois aurait dans ce cas réduit le minerai en métal. L'effort qui suivit consista à faire un trou pour recueillir le métal fondu. Ce trou fut tôt ou tard garni d'une couche d'argile, matière qui s'était déjà montrée à l'épreuve du feu lors de la cuisson des poteries. Encore plus tard, le trou dans l'âtre fut enclos de pierres dressées en forme de mur et devint la première idée d'un four. Puis, l'homme remarqua qu'en se refroidissant, le métal fondu, comme la graisse et la cire, prenait la forme du récipient dans lequel on le versait. C'est ainsi que l'idée du moulage prit corps, lentement, péniblement. Après avoir extrait le cuivre du minerai pendant assez longtemps, on remarqua qu'un certain minerai, trouvé à un endroit spécial, était de qualité différente. On finit par attribuer ce résultat à certaines impuretés ou à des additions qui modifiaient les propriétés du métal. On en était arrivé au point de faire fortuitement et empiriquement un alliage ou mélange de métaux. En Égypte, le cuivre se trouva modifié par l'introduction accidentelle d'arsenic. En Allemagne, de nickel. En Hongrie, d'antimoine. Aux Indes, de zinc. Et en Saxe, d'étain. L'alliage de cuivre et de zinc donne du laiton. Celui de cuivre et d'étain du bronze, ces deux alliages s'étaient constitués bien avant que le zinc et l'étain, métaux secondaires, eussent été extraits de leurs minerais. XIIIe siècle à Paris, on relève dans le livre des métiers du prévôt des marchands Étienne Boileau l'existence de nombreuses activités liées au cuivre. Les tréfiliers, dont les valets ont le droit unique à l'époque de prendre un mois de congé en août. Les fondeurs-mouleurs, qui fabriquent des cachets et des seaux de fantaisie en cuivre, mais à la condition que ceux-ci ne comportent pas de lettres. Les lampiers, qui travaillent du levant jusqu'au second crieur du soir. Les boucliers de cuivre, qui célèbrent chaque année leur patron, Saint Léonard. Les fermaillers, qui fabriquent des anneaux, des dés à coudre et des fermoirs. Les patenotriers, pour les chapelets. Les épingliers. Les boutonniers. Les aubergiers, enfin, qui forgent les armures. Grands privilégiés, ceux-ci ne payent pas d'impôts, travaillent quand ils veulent, de jour comme de nuit, et ne sont pas obligés de participer au guet. En train de jouer ? De la trompette. Et la trompette est en cuivre ? La trompette est en cuivre. Pourquoi en cuivre, d'après vous ? D'après moi, tout simplement, parce que c'est le métal qui doit répondre le mieux au son de cet instrument, d'abord, et ensuite, je pense qu'il est le métal le plus malléable, parce que c'est quand même un travail assez important, mais il faut un métal assez souple. Et pourquoi la forme de cette trompette ? La forme correspond au son donné. Elle est cylindrique, pour la plupart de ses parties, sauf le pavillon qui est conique. C'est un instrument difficile à jouer ? C'est très difficile à jouer, oui, oui. En fait, oui. Pourquoi ? Pas parce que c'est un instrument très raide. Je pense que c'est le plus difficile des instruments de cuivre. Monsieur Jean Selmer, votre société fabrique des instruments à cuivre, des instruments de musique. Depuis combien de temps ? Depuis 1885. Comment vous en êtes venu à fabriquer ces instruments à cuivre ? Eh bien, écoutez, mon grand-père était clarinettiste de métier à l'époque. Et puis, il s'est mis à construire des instruments petit à petit. La maison a grandi. Quelle sorte d'instruments construit-on avec du cuivre ? On fabrique déjà, disons, les cuivres, c'est-à-dire trompettes, trombones, cors, bugles, saxhornes. Et puis aussi les saxophones, qui, tout en étant considérés comme des instruments de bois, sont quand même fabriqués en cuivre. Mais pourquoi avec du cuivre ? Pourquoi pas avec de l'étain ou de l'acier ? Je ne sais pas. Parce que le cuivre est déjà une matière qui se travaille très facilement, au point de vue chaudronnage, au point de vue mise en forme, au point de vue étirage, au point de vue soudure, au point de vue poli. Et c'est pour ça, certainement, que dans le temps, le cuivre a été retenu comme matière première. Et depuis combien de temps a-t-on découvert que le cuivre était une bonne matière, justement, pour fabriquer ce style d'instrument ? Vous savez ça, alors, vous me posez une question assez... C'est complexe, mais enfin, de tout temps, les instruments anciens que l'on peut retrouver au point de vue cuivre, pour saxophone, parce que le saxophone ne date que de 1840, enfin, les cuivres que l'on remonte, même au temps des Romains, si vous voulez, sont fabriqués en laiton, en cuivre. Est-ce que ça demande une formation spéciale de travailler ces instruments à cuivre ? Oui, vous avez un métier qui s'appelle vraiment la lutherie. L'utri des instruments avant, si vous voulez, par déformation, et qui demande vraiment un apprentissage assez complexe. La fabrication maintenant est devenue une fabrication industrielle, avec l'apport de machines, d'outillages plus ou moins complexes, mais enfin la main-d'œuvre est quand même une main-d'œuvre qualifiée. Est-ce qu'il y a des artistes qui demandent de ce que leur instrument soit fait d'une certaine manière particulière ? Vous travaillez, je veux dire, en série essentiellement, ou des fois même sur mesure, si je puis dire ? Non, on travaille en série, parce que l'outillage nécessite quand même un investissement très important, au point de vue mandrin, au point de vue perce, au point de vue machines diverses, et on ne peut pas se permettre actuellement de faire un instrument pour un artiste. De toute façon, nos instruments sont étudiés déjà par des artistes, pour des artistes. Puis une fois la fabrication en route, il n'y a plus qu'à choisir, si vous voulez, dans le tas. Alors, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui se passe à partir, disons, du cuivre brut jusqu'à l'instrument fini ? Il se passe pas mal d'heures. Enfin, c'est très assez complexe de vous expliquer tous les détails de la fabrication. Enfin, le cuivre est découpé, mis en forme, soudées. Certaines pièces sont tournées, estampées, assemblées à soudure d'argent, polies et finies, vernies ou argentées, suivant le cas, suivant le désir du musicien. Vous m'avez dit que le cuivre était une matière très malléable, enfin facile à travailler, mais qu'est-ce qui fait que ces instruments ont un son particulier? Est-ce que c'est le cuivre? Le cuivre, la matière par elle-même a une importance, disons, importante, mais aussi vous avez les proportions que chaque fabricant, chaque facteur donne à ces instruments, qui donnent des sons et des résultats différents, aussi bien au point de vue qualité sonore, qu'au point de vue émission, qu'au point de vue justesse. Mais vous croyez qu'on pourrait obtenir des sons analogues avec une matière première différente? Je ne pense pas. Avec une matière analogue, ça nécessiterait certainement beaucoup de recherches, mais à ce moment-là, il faudrait essayer de trouver des formes différentes, certainement, pour arriver au même résultat. Mais en partant de même forme, avec une matière différente, on arrivera à un résultat différent, ça c'est sûr. Et là, vous me parlez de forme, oui. Mais qu'est-ce qui fait justement que les instruments comme ceux qu'on connaît et qui sont à base de cuivre ont ces formes, un peu biscornues, un peu arrondies Il y a une question pratique, si vous voulez, pour la tenue de l'instrument. Suivant la longueur de ceux-ci, on est obligé de leur donner une forme plus ou moins compliquée. Pourquoi, sans ça, si vous voulez, un corps doit faire dans les 3 mètres et quelques. Donc si on avait cet instrument-là tout droit, je pense que ça serait impossible à jouer. Donc on est obligé de l'enrouler sur soi-même pour arriver quand même à un instrument transportable et jouable aussi au point de vue tenu. Est-ce que le fait qu'il soit arrondi permet un son différent d'une ligne droite ou c'est le même son qui est reproduit quelle que soit la forme? Non, c'est-à-dire au point de vue recherche, on est obligé de tenir compte de ces formes différentes suivant les instruments pour, si vous voulez, avoir des proportions différentes au point de vue cône, au point de vue perce, pour avoir un résultat valable. Parce que je vous disais, il n'y a plus de cuivre. Oui. On n'a plus de cuivre, oui. Mais on voudrait avoir quand même les mêmes sons et des instruments similaires. Est-ce que vous pourriez finalement en faire ou pas? Ça, c'est le point d'interrogation. Ça nécessiterait certainement, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de recherches pour essayer de retrouver ce même son avec une matière différente. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Pour l'instant, non. Mais le problème ne se pose pas juste pour l'instant. Heureusement. C'est pas comme le pétrole. Combien coûte un instrument à cuivre et est-ce que le cuivre est une matière très chère? Je suppose qu'il y a différents prix, bien sûr. Vous avez différents prix dans les instruments. Vous avez l'instrument d'étude qui coûte aux alentours de 800 francs ou 1000 francs, si vous voulez. Puis vous avez l'instrument de professionnel qui arrive à coûter de 3000 à 3500 francs. Matière première par elle-même, c'est une matière relativement bon marché. Enfin, qui depuis quelques années, si vous voulez, arrive quand même à compter dans le prix de l'instrument. Il y a 50 ans, la matière première était négligeable dans le prix de revient, que maintenant, il faut quand même compter. Là, nous entendons différents bruits. Oui. Et à quoi correspondent? Ce sont des essais qui sont faits ici? C'est des musiciens qui sont en train d'essayer des instruments. Vous avez un saxophone au-dessus, vous avez des trompettes à côté. C'est donc ici que les artistes viennent essayer leurs instruments avant de les prendre. C'est ça. Ils viennent choisir leur instrument ou les porter à réparer. Et avant de repartir, ils les essayent pour voir si l'instrument est bien au point. Donc vous faites aussi la mise au point? La mise au point, oui. Il y a un service après-vente quand même, une réparation. C'est des instruments qui souffrent quand même, qui sont des fois employés pendant 8-10 heures par jour. Et ça nécessite quand même, au bout d'un certain temps, une remise en état ou une vérification. Alors qu'est-ce que vous leur faites à partir de ce moment-là? Écoutez, les cuivres, les trompettes, il n'y a pas grand-chose à faire. Mettre un peu d'huile de temps en temps sur les pistons, donc ça, c'est pas encore les nettoyer, ça, c'est pas bien grave. Mais au point de vue saxo, si vous voulez, vous avez les tampons, le tamponnage du saxophone qui arrive à souffrir. Et à ce moment-là, il y a quand même un réglage, changer les tampons, qui sont des coussinets pour boucher les trous les uns après les autres. Donc ça nécessite vraiment un service après-vente, ça. Mais est-ce que le cuivre est une matière première qui se dégrade? Dans le temps, oui. Si vous voulez, il est très difficile de garder des instruments anciens en cuivre parce que le cuivre arrive à tomber en poussière, si vous voulez, en exagérant. Et on arrive à ne plus pouvoir le toucher, ni le manier, ni le réparer. Donc des instruments qui ont 100, 150 ans sont difficilement jouables et difficilement surtout réparables. Monsieur Pierre-Yves Kerverne, vous êtes président de Tréfimétaux, une entreprise de transformation du cuivre. Mais est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sert ce cuivre ? Ah ben, le cuivre est un métal qui est considéré comme ancien. Il a donc eu le temps de se répandre un peu dans tous les usages de la vie quotidienne. On peut dire que c'est d'abord le métal des artistes, puisque les sculpteurs utilisent le bronze, qui est un alliage de cuivre. Les musiciens, on dit les cuivres, dans une formation d'orchestre. Il n'y aurait pas de jazz sans cuivre. Par conséquent, c'est un métal qui a joué un rôle artistique, et c'est ce qui reste souvent de meilleur quand on visite les musées ou qu'on entend la musique. Ben on peut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de cuivre dans tout ça. Mais c'est aussi un métal de la vie quotidienne. C'est le métal des cuisiniers. On ne peut pas faire la bonne cuisine française sans casserole de cuivre, disent certains cuisiniers. Il y a évidemment une grande partie du cuivre qui va dans les articles de cuisson. C'est aussi le métal des guerriers. Il n'y a pas eu de période de l'histoire où il n'y ait eu usage du cuivre. Par exemple, les épées de bronze étaient l'arme secrète des Romains. Il y a eu les canons. Et il y a eu également les munitions qui restent un secteur de consommation de cuivre, mais ce n'est pas l'essentiel. Alors c'est le métal des financiers aussi. Là, quand on fouille dans sa poche et qu'on a une pièce de monnaie qui a une couleur un peu rouge ou jaune, il y a de fortes chances que ce soit un alliage de cuivre. Les pièces d'un franc français ne contiennent pas de cuivre, c'est essentiellement du nickel, mais les autres, les monnaies en dessous du franc, contiennent du cuivre. C'est le métal des architectes, c'est aussi le métal des plombiers. Il suffit de regarder souvent dans les maisons pour trouver du cuivre. On en trouvait sous forme de très belles toitures, en particulier dans les cathédrales. Et on en trouve maintenant surtout dans les maisons, dans les tuyauteries. Et les plombiers ont l'habitude de ce métal, savent bien le souder et le mettre en forme. Autrement dit, dans sa vie quotidienne, c'est difficile de ne pas avoir un morceau de cuivre, soit dans sa poche sous forme de monnaie. Même les stylos à billes, les petites tiges jaunes, là, sont des tubes en laiton, donc des alliages de cuivre. Quand on regarde son automobile, on trouve très vite une pièce de cuivre. Puis alors tout le domaine de l'électricité, le métal a vu son sort lié au développement de l'électricité. C'est un métal qui est un des meilleurs conducteurs, puisque il n'y a que l'argent parmi les métaux usuels qui ait une pareille conductibilité. Et il a donc vu son sort lié à l'essor de l'électricité. Alors c'est un métal de civilisation, c'est le métal solaire, mais c'était, comme le disaient les alchimistes, et c'est toujours le métal de Vénus, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de charme, qu'il a quand même une certaine inconstance, ce qui explique ses fluctuations, qui ont toujours impressionné les gens qui se sont occupés du cuivre. Quelle est la chaîne suivie par le produit ? Alors le produit est à une teneur assez faible dans la terre, disons de l'ordre de 2%. Donc il va falloir d'abord extraire le minerai, il va falloir concentrer à partir de la terre, on obtient à ce moment-là un concentré de cuivre. Il faudra le fondre et on obtiendra un produit déjà métallique qu'on appelle le blister, mais qui est très impur. Et ce produit blister, on va ensuite le faire passer dans ce qu'on appelle une usine de raffinage par l'électricité, c'est-à-dire lui donner une très grande pureté. Et grâce à l'électricité, par le procédé dit électrolyse, on arrive à lui donner une très grande pureté pour qu'il ait ses propriétés, notamment si on l'utilise comme conducteur, puisque le passage de l'électricité dans le métal exige une très grande pureté. Alors voilà les différentes opérations. Après ce stade de raffinage par électrolyse, on obtient ce qu'on appelle la cathode, c'est-à-dire un morceau de métal très pur. Alors cette cathode, les transformateurs vont s'en emparer et ils vont faire les uns des feuilles plus ou moins minces selon les usages qui vont être utilisées dans le domaine des produits plats. D'autres vont faire des tubes, tubes pour le bâtiment. On retrouve aussi le domaine du solaire. Maintenant que l'énergie solaire voit son statut remis en valeur, on mettra sur les toitures des capteurs solaires et grâce aux très grandes propriétés de conductivité de ce métal, on va pouvoir bénéficier du cuivre, qui est un métal qui certainement, devant l'énergie solaire, par l'intermédiaire des tubes, aura un grand rôle à jouer. Les tubes y servent aussi, par exemple pour les centrales, dès qu'il faut refroidir, ou dans les climatiseurs, dès qu'il y a un échange, puisque c'est un métal qui a une vertu d'échange et de conductibilité de la chaleur ou du froid. C'est un métal qu'on trouve dès qu'il y a des échangeurs, donc dans le solaire, dans les centrales thermiques, dans les climatiseurs. Ceci pour les tubes. On va le trouver aussi dans toute la construction mécanique, dans les machines et aussi dans nos automobiles. Alors disons qu'en France, un habitant consomme à peu près 10 kilos, dont une partie viendra des déchets, puisqu'il y a aussi une récupération des déchets. Disons que sur ces 10 kilos qui sont immobilisés pour un Français chaque année, il y a 6 kilos qui vont venir des mines et 4 kilos qui vont venir des déchets. La récupération est très active, elle représente effectivement 40% de la consommation en France et aussi dans les pays de développement analogues à la France. Alors sur 10 kilos qui sont immobilisés chaque année par Français, il y en a 3 kilos qui vont dans les maisons, à peu près, dans les immeubles. Il y en a 4,5 kg qui vont pour tout ce qui est le domaine de l'électricité et des télécommunications. Il y en a 2 kg qui vont dans les machines et les constructions mécaniques. Et il y en a une livre, disons, qui va dans l'automobile et les engins de transport. Vous venez de présenter la physionomie du cuivre sur la scène mondiale. D'après les chiffres que vous donnez, les pourcentages de production selon les différents pays, est-ce qu'on ne peut pas dire un petit peu que le cuivre ressemble au pétrole et dans ce contexte, est-ce qu'on peut imaginer l'émergence d'une sorte d'OPEP du cuivre ? Alors je vois que vous rejoignez un peu les idées de dramatisation que j'essayais de tempérer tout à l'heure. Le cuivre se présente dans sa répartition dans la surface de la Terre de façon différente du pétrole. Il est quand même moins concentré et il y a plusieurs ceintures de cuivre et chacun un peu à la sienne. L'Europe n'est pas très gâtée. Mais le métal est quand même beaucoup mieux réparti et il y a moins de risques de voir une région déterminée du globe essayer de faire ressentir à une autre zone qu'elle détient un certain pouvoir du fait de ses ressources naturelles. Donc le risque est beaucoup moins grand. Et on s'aperçoit d'ailleurs pratiquement que quand il y a des réunions internationales avec les principaux pays producteurs, il y a beaucoup moins de facilité de s'entendre. Puisqu'il y a beaucoup plus de monde et que les intérêts sont quand même très différents. Donc, je ne crois pas qu'il y aura cette guerre du cuivre dont on parle. Je sais que le cuivre est parfois associé à des thèmes martiaux et que de tout temps, il y a eu les reins, les épées de bronze des Romains dont je parlais. Le métal qui servait à faire les cloches a malheureusement aussi servi à faire des canons. Mais il ne faut pas généraliser le caractère martial du cuivre. C'est aussi un métal qui est convivial, qui est sociable et qui a été un facteur de civilisation. Le marché mondial du cuivre, quels en sont les principaux producteurs, les consommateurs, les transformateurs ? Quelle est sa physionomie en quelques mots ? Alors le cuivre est un métal qui est assez bien réparti sur la planète. Vous savez qu'on parle de ceintures de cuivre, les copper belts. Il y en a plusieurs. Autrement dit, la planète a plusieurs ceintures de cuivre. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Amérique latine avec les grands pays producteurs de cuivre comme le Chili, le Mexique dont on parle beaucoup. Il y a aussi une ceinture au Moyen-Orient avec des beaux gisements en Iran. Il y a aussi la ceinture des îles comme Philippines, Bougainville, etc. Donc il y a plusieurs ceintures de cuivre et elles sont bien loin d'être épuisées. Et pour le grand avenir, il y a encore la ressource des fonds marins dont on parle beaucoup. C'est toujours un très grand succès d'estime que de parler des fonds marins. C'est encore un peu profond pour que ça soit rentable, mais effectivement, à 3000 mètres de fond, on trouve ce qu'on appelle des nodules de manganèse, mais on dit aussi polymétallique, c'est-à-dire avec plusieurs métaux, et parmi ces métaux, le cuivre figure en deuxième position. Alors, quelle est la situation actuelle? Les principales réserves sont sur les continents, les principales réserves reconnues. Aux États-Unis, il y a à peu près 30% des réserves. Au Chili, il y en a 20%. Les principaux producteurs sont les États-Unis, avec à peu près 20% de la production mondiale. Ils sont aussi, aux États-Unis, les principaux consommateurs, avec presque le tiers de la consommation mondiale. Derrière les États-Unis comme producteurs, il y a l'URSS, qui est aussi au deuxième rang en production. Ensuite, en production, on trouve des pays comme le Chili, en Amérique latine, la Zambie en Afrique, qui sont de très gros producteurs. Et les réserves actuelles sont effectivement, comme le disait le Club de Rome, de l'ordre de 20 ans. Mais il y a une raison très simple pour laquelle, au-delà de 20 ans, on ne recherche pas de réserves nouvelles. C'est que quand on a 20 ans devant soi, il devient moins intéressant de dépenser beaucoup d'argent pour chercher des mines de cuivre. Et on s'aperçoit souvent en économie minière qu'il y a 15 à 20 ans de réserve pour tous les produits. 15 à 20 ans de réserve connue, puisque quand on a 15 à 20 ans de réserve devant soi, on s'arrête. Mais il ne faut pas en déduire qu'il n'y en a plus au total que pour 20 ans, puisque cet horizon se déplace au fur et à mesure que les années passent. Quelle histoire mouvementée que celle du cuivre! Au siècle des Borgia, les bonnes recettes de poison ou autres poudres de succession comportaient presque toujours du vitriol de cuivre. Au XVIIIe siècle encore, Jean-Jacques Rousseau ne craignait pas d'écrire, en 1753, dans une lettre à l'abbé Raynal, « Le vert-de-gris, ou le cuivre dissous, est un poison violent, dont l'effet est toujours accompagné de symptômes affreux. La vapeur même de ce métal est dangereuse, puisque les ouvriers qui le travaillent sont sujets à des maladies mortelles. » Plus près de nous, voici à peine 130 ans, le malheureux Moreau était envoyé à la guillotine sous prétexte d'avoir empoisonné sa femme, les chimistes ayant retrouvé du cuivre dans le foie de la victime. En fait, le cuivre n'est pas toxique. Le corps de l'homme en contient d'ailleurs de 100 à 150 mg en moyenne. Celui des aliments aussi, notamment les poissons et les crustacés. Après tout, Madame Moreau avait peut-être mangé de la langouste. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas classé le cuivre parmi les substances dangereuses. Au contraire, on sait empiriquement depuis longtemps que des terres pauvres en cuivre provoque des maladies de carence chez les plantes qui y poussent et chez les animaux qui se nourrissent de ces plantes. Ces maladies étant facilement guérissables par l'addition d'une certaine quantité d'engrais contenant du cuivre. Écoutons à ce propos le plaidoyer que faisait en 1941, devant les élèves de l'école de Grignon, le professeur Paul Marsay. En ce qui concerne le mildiou de la vigne, Plasmopara viticola, parasite qui est de loin le principal ennemi des feuilles et des raisins, celui qui a déjà prélevé certaines années pour lui favorables 10 et 20 millions d'hectolitres de vin, rien que dans le vignoble français, personne ne doute que l'absence de traitement cuprique livrerait la production viticole à l'anéantissement. Partout présent par ces germes qui ont résisté à l'hiver, le mildiou non combattu aurait tôt fait d'envahir toutes les souches, sans exception, et, si les conditions extérieures lui sont favorables, de détruire tout le feuillage et toutes les grappes des cépages qui ne sont pas naturellement résistants. On a estimé à 150 000 tonnes de sulfate de cuivre les besoins annuels normaux de la seule viticulture. soit environ 40 000 tonnes de cuivre métal. Les possibilités de fourniture actuelles sont de l'ordre de 10 000 tonnes de ce métal, recherché pour d'autres usages que celui de la défense des cultures. Alors, déjà acquitté le cuivre ? En 1960, l'indépendance du Congo belge se déroule de façon dramatique. La province du Katanga fait sécession. C'est le début d'une série de guerres qui feront des centaines de milliers de morts. De retour à l'aérodrome, nous assistions à une scène extraordinaire. Le vice-consul de Belgique, entouré par tous les ressortissants belges, tentait un effort désespéré pour enrayer cette panique collective. Écoutez dans son intégralité cet étonnant document. Allô, allô. Ici, Swinen, le consul général de Belgique qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Mes chers compatriotes, je reviens de la résidence où j'ai parlé au président de la République et au premier ministre de la République du Congo. Nous sommes arrivés à un accord signé de part et d'autre et dont j'ai le texte devant moi. Je vais vous donner immédiatement l'essentiel. Les troupes belges sont autorisées à rester au Kasaï, ça veut donc dire toute la province, pour la protection des biens et des personnes, pour une période minimum de 2 mois. Ces Européens du Congo, on n'a pas fini d'en parler. Ils reviendront à la une de l'actualité en 1977 et encore en 1978, lorsque deux nouvelles guerres éclateront au Katanga, qui s'appelle maintenant la province du Chaba. Au Zaïre, les combats redoublent de violence. Troupes régulières et rebelles se disputent la cité minière de Kolwezi, dans la province du Chaba, au sud-est du pays. Kolwezi, qui a été surnommée la Ruhr zaïroise, est une véritable métropole économique, riche en cuivre, en zinc et en uranium. Une grande partie de la ville, y compris l'aéroport, serait aux mains des rebelles, qui sont équipés de matériel lourd. En revanche, plusieurs points stratégiques, dont le PC militaire, seraient toujours sous contrôle des soldats réguliers zaïrois. Pour les rebelles, la prise de Kolwezi est d'autant plus vitale que de nombreux étrangers travaille, une aubaine pour les preneurs d'otages. Il y a là-bas des Américains, des Belges, ainsi que 400 civils français. C'est en début d'après-midi, un peu avant 3 heures, que les bérets verts français, les paras de la Légion, ont sauté sur Kolwezi. Dans le guépier de la guerre du Zaïre, ils essaient en ce moment même de sauver les 3000 civils européens bloqués dans la cité minière par les rebelles katangais. Pour autant qu'on le sache, 400 paras français sont directement engagés dans l'opération, mais pour l'instant, leurs collègues belges ne sont pas encore intervenus. Ils restent en alerte sur la base de Kamina, à 250 km de Kolwezi. Aussitôt après le début des opérations et au fur et à mesure de leur progression dans la ville, les soldats français ont découvert d'abominables charniers aux quatre coins de la ville. Des hommes et des femmes européens entassés çà et là, criblés de balles, figés dans des attitudes de terreur. Un officier de la Légion a raconté à notre envoyé spécial au Zaïre, Alain Ménard, les scènes. Il lui a expliqué le regret qu'il avait de ne pas avoir, lui et ses hommes, être intervenu plus tôt. On aurait dû venir immédiatement. Immédiatement, je pense qu'on aurait pu sauver beaucoup plus de monde. Vous pensez que les morts, les cadavres que l'on peut trouver dans les rues sont peut-être dus à un certain retard? Tout est possible. Il est certain que si on était arrivé plus tôt, on aurait certainement sauvé du monde. Pas tout le monde, mais sauvé du monde. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de renforts venant d'étrangers a provoqué une certaine panique et provoqué par là même les massacres? Ah non, les massacres ont eu lieu avant. Hein. Au contraire, dès que les gens ont su qu'une unité française allait arriver, ça a été le décrochage et l'affolement dans le milieu rebelle. Hein. Et ça se recoupe par tous les civils qui nous en ont parlé. Le Chili aussi connaît la violence. Au Chili, perquisitions, rafles et saisies d'ouvrages marxistes se succèdent. Un premier contingent de personnalités du régime Allende aurait été envoyé dans une île au large de Punta Arenas. La dépouille mortelle du poète Pablo Neruda reposait quelques heures après sa mort dans les ruines de sa maison, mise à sac par des inconnus. C'est ce qu'annonce la junte qui rend hommage au poète. Et sur le plan diplomatique, les États-Unis ont officiellement reconnu le nouveau gouvernement chilien, André Grandis. Trois jours avant, l'URSS coupait ses relations diplomatiques avec la junte. Cette reconnaissance des États-Unis sera sans doute suivi d'une demande officielle des compagnies de cuivre américaines pour que soit étudiée une indemnisation pour les mines nationalisées par le président Allende au début de son mandat. 27 pays ont reconnu officiellement le nouveau régime chilien, parmi lesquels Israël, Panama, Haïti et le Venezuela. Enfin, ce matin, la presse soviétique rend hommage à Pablo Neruda, qui fut, dit la Pravda, le soldat de l'armée des combattants de la paix. Se desvía de nuevo, será cortado. Si tu mano te lleva a otro camino, se caerá podrida. Te apartas de mi vida, morirás aunque vivas, andarás muerta o sombra, andando sin mí por la tierra. Alors que le général Pinochet annonçait hier soir que le coup d'État n'avait pas fait plus de 50 victimes, des témoignages en nombre croissant d'étrangers ou de réfugiés disent le contraire. Les chiffres que l'on peut avancer aujourd'hui risquent d'être au-dessus ou au-dessous de la vérité. On parlait de plusieurs milliers de morts il y a de cela quelques jours. Mais quel rôle a joué le cuivre dans tous ces événements? D'une manière générale, il est très difficile, sinon impossible, d'évoquer l'histoire de l'ex-Congo belge, le Zaïre, sans parler en même temps du cuivre. Je vais vous donner même ce qui pourrait être en raccourci une équation. Zaïre égale Chaba égale Gécamine égale cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve derrière ces termes? Le Chaba, où se sont produites la quasi-totalité de tous les événements sanglants qui ont perturbé la vie de l'ex-Congo belge depuis 1960, est en effet de très loin la province la plus riche du pays. Et c'est pourquoi, dès l'indépendance du Congo belge en 1960, on a assisté à une tentative de sécession de cette province, qui s'appelait alors le Katanga, et qui se trouvait être, en quelque sorte, la propriété de la toute-puissante Union minière. Mais en 78 et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le cuivre joue le même rôle ? Cela reste la source de devise numéro un de l'État zaïrois. Il faut savoir que le Chaba produit quelques 500 000 tonnes de cuivre, ce qui met le Zaïre au sixième rang mondial pour la production, au troisième rang mondial pour les exportations de ce produit, et qu'il contient en outre un très grand nombre de matières premières, parce qu'au Chaba on trouve également du diamant, de l'or, du cobalt, du zinc, de l'étain, du cadmium, etc., etc. Alors, évidemment, les choses ont pas mal changé depuis 1960. L'Union minière a laissé la place à une société entièrement zaïroise depuis 1966, la Gécamines. Mais en pratique, l'Union minière continue directement ou indirectement à tirer les ficelles par l'intermédiaire de la Société Générale des Minerais, une firme belge. La SGM gère en effet la Gécamines dans le cadre d'un contrat de 25 ans et c'est elle qui fournit le personnel technique européen, 1300 personnes jusqu'aux événements de 1978, indispensable au fonctionnement de ce grand complexe minier, unique en son genre. En Belgique même, 25 000 emplois dépendent directement de l'activité de la Gécamines. Donc les choses ont changé, mais dans la continuité. À part le Zaïre, d'autres pays ont connu une histoire relativement bouleversée parmi les producteurs de cuivre. Vous connaissez sans doute l'histoire du Chili, où la nationalisation des mines de cuivre par le régime Allende a fait grand bruit, et qui a été, dit-on, la cause du coup d'État qui renversa le régime de l'unité populaire en 1973. La Zambie, elle aussi, est confrontée à des problèmes de violence, puisqu'elle se trouve avec plusieurs autres pays africains sur la ligne de front face au régime blanc d'Afrique australe. Mais dans ces deux derniers cas, malgré tout, l'explication des événements tient à des causes qui sont somme toute beaucoup plus complexes que le seul problème du cuivre. Le cuivre est donc la principale richesse de plusieurs pays. Richesse, oui, d'un certain point de vue. Vous prenez un pays comme la Zambie, le cuivre représente 90% de ses exportations et 40% de son produit national brut. Pour le Zaïre, 40% de ses exportations. Même chose pour le Chili. De ce point de vue, c'est une source de devise incontestable et absolument indispensable pour ces pays. Source de richesse, tout dépend. Si les cours du cuivre montent, la richesse de ces pays augmente. Mais s'ils baissent, et c'est le cas depuis plusieurs années, et ça peut prendre des proportions catastrophiques pour ces pays producteurs. Il faut savoir, par exemple, que depuis 1974, année, il est vrai, où les cours du cuivre avaient atteint des sommets, 1400 livres la tonne, à aujourd'hui, où ils valent grosso modo 800-900 livres la tonne, le cours du cuivre a baissé de près de 50%. Vous imaginez ce que ça représente comme perte de pouvoir d'achat pour les pays producteurs, d'autant plus que ces pays doivent payer l'inflation qui sévit dans le monde industrialisé, y compris sur les produits à base de cuivre qu'ils sont obligés d'importer, parce qu'ils n'en fabriquent pas du tout eux-mêmes. Ce qu'ils font, ces pays, le seul traitement qu'ils fassent, c'est celui du minerai, mais qui est ensuite exporté dans les métropoles industrialisées, et raffiné dans ces métropoles, c'est le cas par exemple pour le cuivre du Zaïre, qui est exporté en Belgique, raffiné dans les grandes raffineries belges d'Hoboken et Holland, et réexpédié de là aux divers transformateurs, qu'ils soient belges, français, allemands ou autres. Pourquoi ces baisses du cours du cuivre? Alors bien sûr qu'il y a des raisons spéculatives à cela. Il y a plus généralement la récession en Occident qui, entraînant une baisse de la production industrielle, entraîne une baisse de la demande de cuivre. Et enfin, le fait que le rapport des forces entre ce qu'on appelle le Nord et le Sud, pays industrialisés et pays en développement, ne s'est guère amélioré ces dernières années au profit des pays producteurs de matières premières. Donc, bon an, mal an, c'est plutôt mal an pour les pays producteurs de cuivre, dont le pouvoir d'achat diminue sensiblement. Messieurs Toffier, Douchez et Rosan, vous êtes des professionnels du cuivre. Pouvez-vous nous expliquer où se fait la fixation des cours de ce métal ? Il existe à New York et à Londres une bourse des métaux. Il y a une bourse des valeurs. Mmh. Et cette bourse des métaux correspond, dans laquelle le cuivre est coté. Il y a, en fait, on peut le citer très rapidement, il y a le cuivre, le plomb, le zinc, et maintenant l'aluminium et le nickel, cotés à la bourse. Ouais. Deux fois par jour, à Londres, dans une institution qui s'appelle London Metal Exchange, il y a ces métaux qui sont cotés en fonction de ce qui est véritablement est la loi de l'offre et de la demande. Oui, je crois que, si vous voulez, on peut faire le procès du London Metal Exchange, que nous appelons dans notre jargon le LME, mais enfin, en fait, c'est ni plus ni moins que faire le procès des bourses de commerce. Alors, on peut toujours paraphraser Churchill quand il parlait de la démocratie, c'est le pire des régimes, mais trouvez-moi un meilleur. Et effectivement, comme le disait le président Rosan, il y a peut-être beaucoup de critiques à adresser au LME, mais on n'a rien trouvé pour le remplacer. Et ce qui, évidemment, est plus préoccupant, enfin, qui peut choquer certaines personnes, c'est de penser que des pays producteurs pour lesquels le cuivre représente quelque chose qui va de, je dis pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais de 50 à 70, sinon 80% de leur balance commerciale, de leurs moyens d'existence, ce qui peut nous choquer, c'est vrai, ça peut nous choquer, c'est de savoir que les ressources de ces pays, que leurs moyens d'existence reposent sur, après tout, les cotations d'une bourse de commerce. Mais il ne faut pas non plus trop noircir le tableau. Certains nous diront, oui, mais la spéculation, en fait, l'emporte sur cet aspect. Bon, ça, c'est vrai, la spéculation a, dans quelques cas, un rôle peut-être nocif sur l'établissement du cours. Mais il ne faut pas exagérer. Durant les années de boom économique, où la moindre annonce d'une grève ou d'un mouvement social ou d'un mouvement politique, même, ce qu'on appelle les bruits de bottes, amenait le cuivre, je parle il y a 5 ans, 10 ans, le cuivre a grimpé en quelques heures de plusieurs dizaines de livres sterling, puisque nous parlons du marché de Londres. Aujourd'hui, je dois dire que nous nous demandons quel genre d'événement pourrait provoquer ce genre de flambée, enfin le conflit, disons les échanges guerriers qui récemment se sont déroulés entre la Chine et le Vietnam, n'est-ce pas, et qui après tout pouvaient à juste titre inquiéter pas mal les gouvernements en général, les gouvernements européens notamment. Bah, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce conflit qui était sérieux, a eu une influence délirante. Alors qu'il y a quelques années, les bruits de bottes, ce qu'on appelle les bruits de bottes, non suivis forcément d'une intervention, avaient en quelques heures des effets haussiers relativement incroyables. Et aujourd'hui, la situation en Afrique australe, à la lecture de commentaires de bourse, on voit souvent que telle attaque en Rhodésie ou en Zambie a tout de suite un effet sur les cours du cuivre. Je crois que la situation en Afrique australe, il y a la situation politique et la situation sur le terrain. Il est certain que la Zambie a comme voisin la Rhodésie. La Zambie cherche forcément ou favorise l'indépendance de la Rhodésie. Mais ça n'empêche qu'une partie du cuivre zambien transite par la Rhodésie pour aller s'embarquer sur les différents ports de l'Afrique australe. Vous croyez donc à une stabilisation des cours du cuivre ? Je pense que on verra à brève échéance une hausse spectaculaire des cours du cuivre, malgré ce phénomène économique défavorable qui fait que l'activité économique de 1980 ne s'annonce pas bonne dans les pays occidentaux. Néanmoins, en raison de cette attrition et de cet ajustement que j'ai indiqué involontaire de l'offre et de la demande, on risque d'avoir une pénurie et des cours du cuivre qui vont monter. Enfin, les stocks, pour vous donner une idée, les stocks au London Metal Exchange étaient en début 78 de près de 700 000 tonnes, oui. Ce qui était fabuleux. Au moment où nous parlons, ils sont de 175 000 tonnes, c'est-à-dire qu'en un an et demi, en raison, même si la consommation de cuivre n'est pas expansive, cette baisse de production volontaire ou involontaire fait qu'on va arriver à un ajustement de l'offre et de la demande, et que du jour où il manquera une tonne de cuivre, ça basculera dans l'autre sens. Et ceci va entraîner d'ailleurs le cycle bien connu. Au moment où les prix du cuivre commencent à monter et à flamber, automatiquement, des projets miniers voient le jour. Et ces projets miniers, il faut un certain temps pour les mener à bien. Et lorsque ces productions nouvelles arrivent sur le marché, elles saturent le marché, voire même provoquent des excédents de tonnage qui eux-mêmes provoquent une baisse des cours et qui entraînent de nouveau une situation précaire pour les producteurs. Pour les pays producteurs de cuivre. Donc ça, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver la solution pour équilibrer ou stabiliser ou contrôler. Non, enfin, il y a toujours eu, effectivement, dans l'histoire des périodes de hausse et des périodes de baisse, mais elles s'équilibraient. C'est ce que, dans la Bible, on appelait la période de vache maigre et la période de vache grasse. Tandis que, manifestement, depuis un certain temps, pour les pays producteurs de matières premières, la période de vache maigre est beaucoup plus importante que la période de vache grasse. Et par ailleurs, si par exemple la Zambie ou le Chili produisaient ou transformaient sur place la totalité du cuivre qu'ils extraient de leur sol, ce serait immédiatement en France 50 000, 120 000 ouvriers qui sont utilisés à la transformation du cuivre qui se trouveraient au chômage. Donc je crois que la formule, c'est de laisser les pays transformateurs transformer la matière première, mais de faire en sorte que le juste prix soit donné au pays qui produit cette matière première, parce qu'encore une fois, ça n'a rien de déshonorant de ne produire qu'une matière première et d'avoir sur son sol une petite capacité de transformation qui subvient simplement aux besoins de sa population. C'est-à-dire qu'ils subissent de plein fouet notre inflation, et on n'a pas trouvé le moyen, par égoïsme ou par intérêt mal compris d'ailleurs, parce que ça se retournera contre nous, de donner à ces gens-là un juste prix pour leurs efforts. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le cuivre est une matière stratégique ? Oui, dans une large mesure. C'est-à-dire que c'est une matière première qui est essentielle à l'industrie moderne et que les pays industrialisés ne possèdent presque pas, à l'exception de deux d'entre eux, les États-Unis et le Canada, et des pays de l'Est, sur leur propre sol. Les pays européens, en tout cas, ne produisent pas, pour leur part, de cuivre. Et ils doivent donc importer celui-ci de régions souvent lointaines, des pays en voie de développement. De ce point de vue, on peut dire que c'est une matière première stratégique. Et c'est pourquoi, même en temps de paix, la sécurité de l'approvisionnement en cuivre d'un pays industrialisé est suivie de très près. La France, qui importe pour sa part la totalité du cuivre dont elle a besoin, a de très bonne heure manifesté sa sensibilité par rapport à ce problème des approvisionnements. C'est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 1939, que le gouvernement français, dans une loi portant sur l'organisation de la nation en temps de guerre, a créé une institution particulière, privée mais sous contrôle étatique, le groupement d'importation et de répartition des métaux, qui a survécu à la guerre et qui, depuis, importe chaque année, contrôle l'importation de près des deux tiers des besoins français en cuivre, constitue des stocks de sécurité, pour le cas où il viendrait à manquer, et les distribue aux transformateurs. Par ailleurs, le gouvernement français a récemment lancé un plan cuivre et a cherché, par l'intermédiaire du Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGM, à diversifier au maximum ses sources d'approvisionnement. Enfin, il faut dire que la facture cuivre d'un pays industrialisé est loin d'être négligeable, puisque si on prend la France, elle est de l'ordre de 5 milliards de francs lourds par an. We'll be right back.